Oh putain. J'essaye de trouver le bon rythme. La guitare. fois les notes. Thank you. Ma basse là. haut et fort. J'ai plus de rythme. faut que je bouge fort. Manu! Oh Manu! Manu, reviens! Ouais, Manu, tu te sens? Pourquoi faire? Je sais pas.